إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد toutes les louanges reviennent à Allah سبحانه وتعالى nous le louons et demandons son aide et nous cherchons refuge auprès de lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, lui seul. Il n'a aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce dans la traduction du sens est, « Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Et il dit subhanahu wa ta'ala ce dans la traduction du sens est, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction du sens est, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. » Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont celles qui sont inventées dans la religion et toutes les choses inventées dans la religion sont des innovations religieuses et toutes les innovations religieuses sont des égarements et tous les égarements sont en enfer. Ceci étant dit, on continue notre série de cours de l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala avec l'explication du noble et grand cheikh et grand savant cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali qu'Allah lui fasse miséricorde rahimahullah ta'ala. Et on était arrivé, on est toujours dans les chapitres qui concernent et qui ont trait aux parents, et on était arrivé au Babu Jaza al-Walidain, chapitre de la rétribution des parents. Et on est arrivé au hadith suivant. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما والحديث حديث صحيح كل الحديث كلام البخاري سينو رابور دون سو شابيتر دو الأدب المفرد Abu Nu'aym nous a apporté d'après Soufyan, d'après Ata ibn Sa'ib, d'après son père, que Abdullah ibn Amr a dit un homme vint chez le prophète alayhi salatu salam, lui prêter allégeance sur la hijra. Et il a laissé ses deux parents qui pleuraient. Le prophète alayhi salatu salam lui dit alors retourne chez eux et fais-les tous deux rire comme tu les as fait pleurer. Et ce hadith est un hadith authentique. Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, il nous explique ce hadith en disant هذا الحديث فيه بيان مدى شفقة الوالد على ولده ذكرا كان أو أنثى وأن الوالدين على سبيل الدوام يتخوفان على الولد من الشرور وإذا نابه شيء تكدرت الحياة عليهما وهذه طبيعة البصر بل تكاد هذه الرأفة الرحمة موجودة في كل مخلوق له نسل حتى في الدواب كما مر معنا أن الله تبارك وتعالى له مئة رحمة أنزل منها رحمة بين المخلوقات تتراحم بها حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه، فكيف بالإنسان الذي أكرمه الله بالعقل وخلقه في أحسن تقويم وزوده بالقلب الذي يعي به الأمور، فهو في أعلى مكان كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم هو إما أن يكون شاكرا أو كفورا، فطوبى للشاكرين وتبا للكافرين. Il y a dans ce hadith authentique l'étendue de la compassion du père envers son enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, et que les parents ont continuellement peur pour leur enfant, qu'il soit touché par un mal. Lorsque quelque chose lui arrive, les parents se retrouvent affligés dans leur vie. Et ceci est la nature humaine, mais de plus, cette compassion et cette miséricorde se retrouvent chez presque toutes les créatures qui ont une progéniture, même les bêtes. Nous avons vu d'ailleurs dans les cours précédemment qu'Allah le Très-Haut a 100 miséricordes dont il en a fait descendre une parmi les créatures, qui sont donc miséricordieuses envers elles, les unes envers les autres, par cette miséricorde descendue, à tel point que la bête lève son sabot de peur de piétiner son petit. Qu'en est-il alors de l'être humain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré par la raison et a créé dans la forme la plus parfaite, et lui a donné un cœur par lequel il comprend les choses. Il est donc au statut le plus élevé. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est: certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Sourate Al-Isra, verset 70. Et il a dit, selon la traduction du sens est: nous avons certes créé l'homme avec un grand H dans la forme la plus parfaite. Sourate Tin, verset 4. Puis l'individu, il est soit reconnaissant, soit ingrat. Touba aux reconnaissants et malheur aux ingrats. Touba, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il a expliqué que c'est le paradis et le bonheur. Cheikh Zayd continue, il dit, rahimahullah, كما في هذا الحديث التأكيد على بر الوالدين بدون تسويف ولا مماطلة في القيام بحقوقهما. Il y a également dans le hadith, dans ce hadith qu'on étudie ici, l'insistance sur la bonté envers les parents, sans report ni tergiversation quant à s'acquitter de leurs droits. وفيه أيضا أن الحسنة يكفر الله بها السيئة كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها الحديث. وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. Il y a aussi dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala le trio expie le péché par la bonne action. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction du sens est: les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Sourate Hud, verset 114. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: fais suivre le péché par la bonne action qui l'effacera. Jusqu'à la fin du hadith. Et c'est ce qui est apparent dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam ici, dans ce hadith qu'on étudie dans l'Adab Mufrad, à cet homme qui lui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: retourne chez tes parents et fais-les tous de rire comme tu les as fait وفيه بيان أن بر الوالدين أفضل من عمل الجهاد وأقدم في ميزان الشرع من عمل الجهاد في سبيل الله ومن الهجرة. Il y a également dans ce hadith la mise en évidence du fait que la bonté envers les parents est meilleure que le jihad, le combat sur le sentier d'Allah, et que la préscience dans la balance de la législation islamique sur le combat dans le sentier d'Allah et sur la Hijra. Alors maintenant, quelle est cette hijra? On va un peu parler de la hijra, expliquer qu'est-ce que ça veut dire et certains jugements par rapport à cela. Et Cheikh Zayd, rahimahullah, il dit: wal hijratu ma'naha al-intiqal min baladin ila balad. Fa kanat al-hijratu al-oula min baladi kufrin ila baladi kufr. Walakin kanat al-hijratu ila al-habasha. Ila al-habasha. Wa hum nasara li'anna fiha malikun la yadlimu an-nasa fi mamlakatihi. فهاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين واجهوا الأذى من كفار قريش والأحزاب المتحزبة معهم فسميت هجرة. والهجرة أيضا بمعناها الشرعي الذي يتبادر إلى الذهن إذا ذكرت هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولما كانت مكة بلد كفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، فكان من أراد أن يهاجر من مكة أو من غيرها هاجر إلى المدينة ليلحق برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، يتعلم أحكام الإسلام ويعمل بها ويجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le sens de la hijra est émigrer d'un pays vers un autre pays. La première hijra fut d'un pays de mécréance vers un autre pays de mécréance. Mais la hijra fut à ce moment-là vers l'Abyssinie, alors qu'ils étaient chrétiens, car s'y trouvait un roi qui ne faisait pas de mal aux gens qui se trouvaient dans son royaume, c'est-à-dire qu'il n'était pas injuste envers eux. Et donc certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui faisaient face au tort causé par les mécréants de Quraysh et décoalisés avec eux, y ont donc émigré et ce fut appelé une hijra. Aussi, le sens religieux de hijra qui vient directement à l'esprit lorsqu'elle est citée, c'est d'émigrer d'un pays de mécréance vers un pays d'islam. Comme à l'époque, la Mecque était une terre de mécréance, le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné à ses compagnons d'émigrer vers Médine. Donc ceux qui voulaient émigrer de la Mecque ou d'ailleurs émigraient vers Médine afin de rejoindre le messager de l'islam, alayhi salatu wassalam, et d'apprendre les règles de l'islam et de les mettre en pratique et de combattre sur le sentier d'Allah avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce jugement de la hijra est resté. Cheikh Hildi, Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah. Wa baqiya hukmuha lam tanqati' al-hijratu allati hiya al-intiqalu min bilad al-kufr ila bilad al-islam. Baqiya hukmuha ghayra mansukh wa innama yajib al-'amal bih wa qad dhamma Allah tabaarak wa ta'ala al-muslim alladhi yabqa في ديار الكفر ولم يهاجر وهو قادر على الهجرة، كما قال سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. Ce jugement de la hijra est resté et ne s'est jamais interrompu. Et c'est d'émigrer d'un pays de mécréance vers un pays d'islam. Et ce jugement existe toujours. Elle n'a pas été abrogée, mais au contraire, il est obligatoire de le mettre en pratique. Alors là, le trio a blâmé le musulman qui reste dans le pays de mécréance et n'émigre pas alors qu'il en est capable. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est dans la traduction du sens est, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Sourate Nisa, versets 97 à 99. Le noble Coran ne fait donc l'exception de personne. فَلَمْ يَسْتَثْنِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مِنَ الْإِثْمِ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ بَاقٍ وَلَوْ كَانَ الْبَلَدُ مَسْقَطَ رَأْسِهِ وَمَقَرَّ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ وَأُصُولِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ بِالْإِسْلَامِ وجب عليه أن يفارق الكفار إلى ديار الإسلام ليعبد الله عز وجل بدين الإسلام آمنا مطمئنا ويحاكم إلى شريعة الإسلام بخلاف ديار الكفر فإن الذي يحاكم في محاكمها يحاكم إلى الطاغوت. هذا فيما يتعلق بالهجرة. أما الحديث فموضوعه وجوب بر الوالدين، وأن من البر أن يقدم طاعة والديه وبرهما على الهجرة والجهاد، لأن الجهاد قد يكون منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب. أما بر الوالدين فهو من الواجبات العينية التي تتعلق بكل واحد من الأبناء ذكورا وإناثا. Le noble Coran ne fait donc l'exception de personne quant au péché, si ce n'est, donc il y a comme une exception qui est faite, si ce n'est les impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants. Sinon, le jugement reste, et ce même si le pays est son pays de naissance, et le pays de résidence de ses parents, et de ses aïeux, et de ses origines. Allah le Très-Haut l'a honoré par l'islam, et lui a rendu obligatoire de quitter les mécréants, et d'aller en terre d'islam, et ce afin qu'il adore Allah le Très-Haut en toute sécurité et en tout apaisement, et qu'il soit sous le jugement par la législation de l'islam, contrairement aux pays mécréants, car celui qui fait juger son affaire dans les tribunaux de ces pays, il les fait juger par le Tarout. Voilà donc ce qui concerne la hijra. Alors, quelques points à faire par rapport à ça. Parmi les ulama, ils ont dit que parmi les gens qui sont excusés par rapport à ce point-là, à la hijra, c'est notamment ceux qui font la da'wah, qui font l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et que eux, au contraire, s'ils se protègent et qu'ils ont la taqwa et qu'ils ont assez de science religieuse et de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala pour se protéger eux-mêmes, eh bien, il est meilleur pour eux à ce moment-là de continuer la da'wa et ils sont récompensés par rapport à cela. Un autre point ici par rapport aux tribunaux, il faut savoir que Cheikh Ibn Baz et nos savants ont dit qu'il est autorisé, bien sûr, d'aller dans un tribunal, même qu'un tribunal qui n'est pas islamique, pour demander son droit si on a subi une injustice. On continue. وغاية ذلك قصة الرجل الذي هذا الذي Et donc, quant au hadith, son sujet, c'est l'obligation de la bonté envers les parents. Et que fait partie de cette bonté de faire passer l'obéissance aux parents et la bonté envers eux avant la hijra et le jihad. Ici, évidemment, on parle du jihad légiféré. Le jihad, il dit, il se peut qu'il soit une obligation communautaire. Et il se peut qu'il soit recommandé. Tandis que la bonté envers les parents fait partie des obligations individuelles qui sont pour chaque fils et chaque fille. Et quand on parle du jihad, évidemment, c'est un sujet très pointu. Il ne revient qu'aux enracinés de la science de se prononcer à ce sujet, car il y a des règles et des complexités, et que ça revient donc aux savants et aux gens qui détiennent le pouvoir de se prononcer sur ces sujets aussi délicats et aussi importants en termes de conséquences et de résultats. Et donc le cheikh, il dit ici, وغاية ذلك قصة الرجل هذا الذي جاء ذكره في هذا الحديث بأنه جاء يبايع على الهجرة ولكن ترك أبويه وهما بحاجته يبكيان فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم بل أمره أن يعود إلى أبويه ليبرهما وليدخل عليهما عليهما السرور حتى يضحكهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أبكاهما. Le summum de cela, c'est le récit de cet homme dans le hadith qui est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam, et qui a été cité dans ce hadith qui est venu prêter allégeance au prophète alayhi salatu wassalam pour la hijra, mais a laissé ses parents en pleurs alors qu'ils avaient besoin de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wassalam n'a pas accepté cela de lui, mais de plus il lui a ordonné de retourner chez ses parents afin d'être bon envers eux et de les rendre heureux au point de les faire rire comme il les a fait pleurer, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. وذلك دليل على عظم حق الوالدين فالبر بهما من أفضل الأعمال والقربات وهو يقدم على الجهاد ويقدم على الهجرة ولكن لا يطاع والد ولا والدة في معصية الله عز وجل فلا يجوز أن يتقرب أحد بفعل المعصية لرضا شخص سواء الوالدين أو غيرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق فالله أحق أن يطاع. Ceci est une preuve de la grande importance du droit des parents, car la bonté envers eux fait partie des actes d'adoration par lesquels on se rapproche d'Allah les plus importants, et a la même préséance sur le jihad et la hijra. Mais l'enfant n'obéit pas à son père ni à sa mère dans la désobéissance à Allah le Très-Haut. Il n'est donc permis à personne de faire une désobéissance, un péché, afin de satisfaire une personne, que ce soit les parents ou autres. Comme l'a dit le prophète, والسلام, l'obéissance n'est que dans ce qui est convenable, dans ce qui est un bien. Et il a dit, والسلام, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans l'obéissance, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et ce, quelle que soit cette créature, Allah est plus en droit d'être obéi, subhanahu wa ta'ala. Un point à faire ici, c'est que lorsque les parents, si les parents demandent quelque chose à l'enfant et lui ordonnent de faire quelque chose qui est interdit en islam, eh bien, ils ne peuvent pas, l'enfant ne peut pas leur obéir sur ce sujet-là, mais le reste, l'obéissance reste sur le reste. Ça ne change pas. D'ailleurs, quand vous lisez sourate Luqman, وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Donc ici, quand même deux parents polythéistes, ils font le jihad, ils combattent l'enfant pour qu'il le force à ce qu'il associe à Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُطِعُهُمَا. Eh bien, il ne doit pas leur obéir, il ne peut pas leur obéir. Mais regardez la suite. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais il doit quand même rester et se comporter, et être leur compagnon d'une manière qui est convenable et leur obéir dans le reste, et être convenable avec eux, être bon et appliquer la bonté envers eux dans le reste. C'est pas parce qu'un parent ordonne quelque chose qui est interdit en islam que c'est ikhlas, on l'écoute plus, on le respecte plus, on est plus bon envers le parent. Non, c'est pas ça du tout ici. Et le verset de Sourate Luqman que j'ai cité, il est assez clair. Si vous voulez retourner au tafsir, je pense que c'est la deuxième page de Sourate Luqman. En tout cas, c'est dans les wasaya de Luqman à son fils dans Sourate Luqman. On continue dans l'adab al-mufrad ici de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيقة فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربي ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا والحديث حسن الإسناد. عبد الرحمن بن شيبة دي ابن أبي الفديك ما أنفرمي دابخي موسى دابخي أبو حازم كابو مرة. Le servant d'Umhani, la fille d'Abu Talib, l'a informé qu'il alla avec Abu Huraira radiallahu anhu vers sa terre. Lorsqu'il entra sur sa terre, il cria de toute sa voix « Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh » au maman. Elle répondit « Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Et il dit ensuite Abu Huraira radiallahu anhu ardah « Qu'Allah te fasse miséricorde comme tu m'as élevé tout petit » Et elle répondit, sa mère, la mère d'Abu Huraira, radiallahu anhuma, « Ô mon fiston, et toi, qu'Allah te récompense en bien, et sois satisfait de toi comme tu es bon envers moi dans ma vieillesse. » Et la chaîne de transmission du hadith, elle est jugée hassan. Cheikh Zayd, il dit, « La ilaha illallah, hakada al-fiqhu fi d-din al-islami, yajurru sahibahu ila kulli khir, wa birrin, wa fadilatin, fa Abu Huraira ta yabdulu s-salam, على أمه بأعلى صوته لتسمعه فترد له التحية بمثلها لأن السلام دعاء ورد التحية كذلك دعاء فهو يشعرها بأن لها الفضل في تربيته وهو صغير لا يملك لنفسه جلب خير أو دفع شر ولا يميط الأذى عن نفسه فهي تتولى كل ذلك وهكذا طيلة حياته وحياتها هي دائما إحسانها متواصل إلى ولدها لا ينقطع وبكونها امرأة مؤمنة شاكرة ومقدرة للمعروف الذي أسداه إليها ابنها أظهرت معروفه وإحسانه إليها وهكذا الخلق الحسن يفعل بأصحابه فلما كان بارا بها بادلته الدعاء والثناء بأنه قام ببرها عندما كان كبيرا وهي كذلك كبيرة في السن. Ce magnifique ici hadith, Cheikh Zayd l'explique en disant, rahimahullah ta'ala, nul n'est en droit d'être adoré par Allah. Voilà la compréhension de la religion de l'islam qui mène celui qui a cette compréhension à tout bien et à toute bonté et à toute vertu. Abu Huraira passe le salam, c'est-à-dire qu'il salue sa mère de toute sa voix afin qu'elle l'entende et lui rende une salutation pareille, car le salam est une invocation et répondre à ce salam, salutation, est aussi une invocation. Il lui fait sentir qu'elle a un mérite dans son éducation, alors qu'il était petit et qu'il n'était pas capable de se faire quelque chose de bien ou de repousser un mal. Il ne pouvait pas se nettoyer seul quand il était petit, mais elle s'est occupée de tout cela pour lui. De même, tout au long de sa vie à lui et de sa vie à elle, sa bienfaisance continue envers son enfant et ne s'arrête pas. Et comme c'est une femme croyante et reconnaissante et qui considère le bien de son fils envers elle, elle lui a montré sa bienfaisance envers elle. Voilà ce que fait le bon comportement à la personne qui s'en est parée. Comme il est bon envers elle, elle l'accueille avec l'invocation et en lui faisant ses éloges quant à sa bonté envers elle dans son âge adulte à lui et aussi pendant sa vieillesse à elle. Cheikh Zayd ici, rahimahullah ta'ala, il dit « والمقصود أن وجود الوالدين على قيد الحياة وابنهما على قيد الحياة ويبذل الإحسان إليهما احتسابا لوجه الله الكريم فهو خير ساقه الله تبارك وتعالى إليه فلا يقصر فيه ولا يتساهل فلا يقصر فيه ولا يتساهل فالأمر عظيم ويكفي أن الله تبارك وتعالى قرن وجوب طاعة الوالدين والإحسان إليهما بطاعته عز وجل في أعظم عبادة فرضها على عالم الإنس والجن ألا وهي توحيده تبارك وتعالى حيث قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في غير موضع من القرآن الكريم. Ce qui est entendu ici, c'est que la présence des parents en vie et de leurs enfants en vie, alors que l'enfant est bienfaisant envers eux, en cherchant par cela sincèrement la récompense auprès d'Allah le Très-Haut. C'est un bien amené par Allah le Très-Haut à cet enfant, qui ne doit donc ni avoir de manquement, ni être négligent, car l'affaire est d'une très grande importance. Il suffit qu'Allah le Très-Haut ait joint l'obligation de l'obéissance aux parents et de la bienfaisance envers eux à l'obéissance à lui, subhanahu wa ta'ala, dans la plus importante des adorations qu'Allah ait rendue obligatoire au monde des êtres humains et au monde des djinns, et c'est son unicité, exalté soit-il. Car il a dit ce dont la traduction du sens est « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. » Et c'est surat Nisa, verset 36. Et c'est à plus d'un endroit du noble Coran. Avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Binillahi ta'ala. La semaine prochaine, on commence un nouveau chapitre qui est « Babu uquq al-walidain ». Le chapitre qui s'attache à étudier et à montrer le danger de la désobéissance aux parents qu'Allah nous en préserve. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك